Chapitre 13. Le retour de l'homme errant. Les vents de mars soufflaient parmi les chênes d'Angerfield Park lorsqu'Edward Arundel revint à la demeure qu'il n'avait plus habitée depuis sa jeunesse. Il revint parce qu'il était fatigué d'errer tout seul dans cet étrange pays breton. Il s'était lassé de lui et de ses pensées. Il était exténué par le désir ardent qui le dévorait nuit et jour, la soif de se retrouver au-delà de cette ligne basse à l'horizon de l'Orient, parmi le carnage et les clameurs d'un champ de bataille indien. Il revint donc enfin vers sa mère qui lui avait écrit constamment, le suppliant de rebrousser chemin, de venir se reposer et être heureux dans la maison familiale où on l'aimait. Il laissa ses bagages à la petite auberge où s'arrêtait la voiture qu'il avait ramenée d'Exeter, et fit à pied, vers la brune, le trajet qui le séparait de la maison. La soirée du commencement de printemps était sombre et froide. Le feu du forgeron pétillait quand il passa devant l'atelier de cet artisan. Toutes les lumières qui brillaient à travers les jalousies des fenêtres semblaient converger vers lui pour lui souhaiter amicalement la bienvenue. Il se souvenait de tout, des toits plans inclinés, bizarres, informes, des cheminées écrasées, des seuils de porte qui étaient tellement descendus au-dessous du niveau de la rue du village, que le rez-de-chaussée devenait la cave et que les piétons étrangers cognaient leurs têtes contre les pots à fleurs sur les fenêtres des chambres à coucher. Le poteau en fer rouillé et le pauvre petit réverbère suspendu au coin de la rue et jetant une faible lueur sur le pavé raboteux. Les mystérieuses petites boutiques à fenêtres avec des vitres en verre taillé, où les poupées hollandaises et la papeterie, le pain d'épices rassis et des choux conservés étaient entassés pêle-mêle avec des patères en bois, des carrés de savon jaune, des cerfs-volants en papier, des pommes vertes et de la ficelle, tout lui était familier. Ça avait été jadis un grand amusement que de venir dans ce village avec Laetitia et d'acheter du pain d'épices rassis et des cerfs-volants à une vieille pensionnaire de sa mère, qui était priseuse. Les cerfs-volants s'étaient toujours empêtrés dans les hautes branches des chênes et le pain d'épices l'avait invariablement suffoqué. Mais avec le souvenir des cerfs-volants et du pain d'épices revint toute la fraîcheur de sa jeunesse et il regarda avec une tendresse pensive les petites boutiques familières, les marchandises que colorait d'un reflet rougeâtre la lueur du foyer, qui donnait à chaque intérieur un aspect de bien-être et de confortable. Il franchit sans être questionné un guichet à côté des grandes portes. La flamme du foyer était rosée aux fenêtres de la loge, et il entendit une voix de femme qui chantait une chanson monotone à un enfant ayant sommeil. Partout, dans ce beau pays d'Angleterre, apparaissaient les flammes de chaque bon feu dans les cottages, et tout y parlait d'amour, d'amitié et de famille. Le jeune homme soupira, en se rappelant cette grande maison lugubre qui se dressait au loin dans le Lincolnshire, et songea combien il aurait pu être heureux à pareille heure, s'il avait été donné de s'asseoir à côté de Mary Marchmont, dans le salon occidental, regardant le feu et les reflets tremblotants de la flamme sur sa jeune et belle figure. Cela n'avait jamais été, et cela ne serait jamais. Le bonheur du foyer, les douces joies de la famille, la satisfaction de dispenser le plaisir aux autres, toutes les simples consolations intimes qui font la vie si belle, n'avaient jamais été connues de la fille de John Marchmont, depuis l'époque où elle partageait le logement de son père dans Oakley Street, et où elle sortit par une froide matinée de décembre pour aller acheter des petits pains pour le déjeuner d'Edward Arundel. De la fenêtre du salon favori de sa mère, la même lueur rouge qu'il avait vue à travers les persiennes de chaque maison du village se projetait sur l'obscurité croissante de la pelouse. Une porte vitrée menait dans un petit vestibule près de ce salon. Edward Arundel l'ouvrit et entra très doucement. Il s'attendait à trouver sa mère et sa sœur dans le salon près de la fenêtre. La porte de cet appartement familier était entrouverte. Il l'ouvrit toute grande et pénétra à l'intérieur. C'était un très joli petit salon, et tout un attirail féminin de livres ouverts, de musique, d'ouvrages d'aiguilles et d'objets dessinés lui donnait un cachet particulier. Les reflets de la flamme du foyer se jouaient partout, sur les tableaux, les cadres, la boiserie en chêne noir, le piano vert, un bouquet de personnages dans un grand verre sur la table, les laines éparpillées servant de canevas à la broderie, et les chiens endormis sur le tapis du foyer. Une jeune fille était à la fenêtre, le dos tourné au feu. Edward Arundel s'approcha d'elle doucement et lui passa son bras autour de la taille. Letty. Ce n'était pas Laetitia, mais une jeune fille avec des yeux bleus qui devint écarlate et se tourna vers le jeune homme avec un peu de colère. Puis, le reconnaissant, elle se laissa tomber sur la chaise la plus rapprochée et commença à trembler et à pâlir. « Je suis fâché de vous avoir effrayé, Miss Lawford, » dit Edward avec douceur. « Je vous ai prise pour ma sœur. Je ne savais pas même que vous fussiez ici. Non, évidemment, non, je... Vous ne m'avez pas effrayé beaucoup, monsieur Arundel. Seulement, vous n'étiez pas attendu par votre famille. Je vous croyais au fond de la Bretagne. Je ne songeais pas que votre retour fût possible. Je pensais que vous seriez absent tout l'été. Mrs. Arundel me l'avait dit. Belinda Lawford dit tout cela avec cette fraîche voix de jeune fille qui était familière à M. Arundel, mais elle était toujours très pâle et tremblait toujours un peu. Il y avait quelque chose qui ressemblait au désir de s'excuser dans la manière dont elle affirmait à Edward qu'elle avait cru à une absence pour tout l'été. Il semblait presque qu'elle voulait dire « Je ne suis pas venue ici parce que je pensais vous y voir. Je n'espérais pas vous y rencontrer. » Mais Edward Arundel n'était pas fat, et il ne comprenait pas facilement des signes comme ceux-ci. Il vit qu'il avait effrayé la jeune fille, qu'elle était devenue pâle et qu'elle avait tremblé en le reconnaissant. Et il la regardait d'un air moitié étonné, moitié pensif. Elle rougit sous son regard. Elle s'approcha de la table et se mit à ramasser les roses et les laines, comme si l'arrangement de sa corbeille à ouvrage était une affaire d'importance vitale, qui devait être achevée au prix de n'importe quel sacrifice de politesse. Puis, se rappelant tout à coup qu'elle devait dire quelque chose à M. Arundel, elle fit preuve de son originalité d'intelligence par la remarque suivante. « Comme Mrs. Arundel et Laetitia vont être surprises de vous voir. » Même en disant ceci, elle tint les yeux baissés sur les écheveaux de laine qu'elle avait à la main. « Oui, je crois qu'elles seront surprises. Je n'avais pas l'intention de revenir avant l'automne, mais je me suis lassé d'errer tout seul dans un pays étranger. Où sont-elles, ma mère et Laetitia? Elles sont allées au village, à l'école. Elles reviendront pour le thé. Votre frère est absent et nous dînons à 3 heures. À 8 heures, nous prenons le thé. Cela vaut bien mieux que de dîner tard. » Ceci était tout à fait un effort de génie, et Miss Lawford continua à ranger ses écheveaux à la lueur du foyer. Edward Arundel était resté debout pendant tout ce temps, le chapeau à la main, presque comme s'il eût été en visite du matin chez Belinda. Mais il déposa son chapeau en ce moment et s'assit près de la table où se trouvait la jeune fille, occupée à mettre de l'ordre dans sa corbeille à ouvrage. Le cœur de Belinda battait très vite, et elle mettait à une rude épreuve son talent en arithmétique en s'efforçant de faire le calcul abstrait du temps qu'il faudrait à Mrs. Arundel et à Laetitia pour revenir de l'école du village à Dangerfield, et le retard que pouvaient occasionner les obséquieux compères et les respectueuses commères de l'endroit en arrêtant les dames pour obtenir de leur patronne un mot et une amicale salutation. L'arrangement de la corbeille à ouvrage ne pouvait durer éternellement. Il était devenu le plus pitoyable des prétextes au moment où Miss Lawford rabattit le couvercle en osier tressé et s'assit avec roideur dans une chaise basse auprès de la cheminée. Elle regarda le feu et enroula autour de ses jolis doigts blancs une chaîne en or qu'elle déroula ensuite. Elle paraissait très jolie, à la lueur vacillante de la flamme avec ses cheveux bruns rejetés en arrière et ses paupières blondes que cachaient ses yeux bleus tendres. Elle était là, roulant sa chaîne dans ses doigts, et elle n'osait pas lever les yeux sur M. Arundel. Et s'il y avait eu dans le salon tout un troupe aux doigts, elle n'aurait pas eu la force de faire peur à l'une d'elles. Et pourtant, ce n'était pas une jeune fille stupide. Son père aurait refusé avec indignation toute calomnie de ce genre à l'adresse de l'ébé aux yeux bleus qui faisait le charme de sa maison. Aux yeux du major, Belinda était tout ce qu'un homme peut demander à la femme de son choix, soit comme fille, soit comme femme. Elle était le beau lutin du foyer du vieillard, et il l'aimait avec ce dévouement chevaleresque commun aux braves soldats, qui sont les plus simples et les plus doux des hommes quand vous les enchaînez chez eux et que vous les tenez à l'écart du tumulte du camp et de la confusion des navires de transport. Belinda Lawford était instruite, mais tout juste assez pour être charmante. Je ne crois pas qu'elle eût consenti à parcourir d'un bout à l'autre le paradis perdu ou la décadence et la chute de l'Empire romain de Gibbon, ou un volume d'Adam Smith ou de McCullough. Quand bien même vous lui aurez promis un collier de diamants pour la faire arriver consciencieusement à la dernière page. Mais elle pouvait lire Shakespeare 1 heure de suite et le lire tout haut à son père d'une voix claire, fraîche, qui ressemblait à de la musique sur l'eau. Il lisait l'histoire d'Angleterre de Macaulay avec des yeux étincelants d'indignation contre le lâche et obstiné Jacques, ou mouillé de larmes de pitié pour le pauvre faible Monmouth, selon la circonstance. Elle pouvait jouer Mendelssohn et Beethoven, leurs sonates plaintives, leurs tendres chants qui n'avaient pas besoin de paroles pour expliquer la signification mystique de la musique. Elle pouvait chanter les vieilles ballades et les mélodies irlandaises qui faisaient tressaillir l'âme de ceux qui l'entendaient, et le souvenir de cette musique pensive inspirait aux hommes les plus durs de la pitié pour les mendiants au teint cuivré de l'Hibernie qui courent les rues de Londres. Elle pouvait lire les articles de fond du Times, sans oublier les règles de quantité dans les citations latines, et en comprenant ce dont il était question. Elle avait ses favoris au Parlement, elle adorait Lord Palmerston, elle était libérale jusqu'à la dernière fibre de son jeune et tendre cœur. Elle était aussi brave que doit l'être une véritable Anglaise, et elle serait allée à la guerre avec son père, elle lui aurait servi de page, ou bien elle l'aurait suivi en captivité et l'aurait soigné en prison si elle eût vécu à l'époque où une vaillante jeune fille comme elle pouvait avoir cette tâche à remplir. Mais elle était assise en face de M. Edward Arundel. Elle roulait sa chaîne autour de ses doigts et prêtait l'oreille pour entendre le bruit de pas annonçant le retour de la maîtresse de la maison. Elle ressemblait à une timide pensionnaire qui a dansé avec un officier à son premier bal. Et cependant, au milieu de sa confusion, de ses craintes de paraître agitée et embarrassée, de ses efforts pour paraître à son aise, il y avait une sorte de plaisir à être assise là, à côté du feu avec Edward Arundel, en face d'elle. Il y avait un étrange plaisir, un plaisir presque pénible, qui se mêlait à ses sentiments en ce moment. Elle percevait chaque son qui rompait le silence, le sifflement du vent dans la vaste cheminée, la chute des cendres sur la plaque du foyer, le ronflement momentané de l'un des chiens endormis et les battements précipités de son cœur. Et bien qu'elle n'osa pas lever les yeux sur la figure du jeune soldat, cette belle figure sérieuse qu'encadraient des cheveux blonds à reflets dorés, les lèvres fermes ombragées par une moustache brune, le sourire pensif, le front large et blanc, le foulard bleu foncé noué négligemment autour du col blanc de la chemise, l'habit de voyage commode et de couleur grise, et même l'attitude de la main, du bras et de la tête légèrement baissée vers le feu, lui apparaissait aussi nettement en esprit que si son regard eût embrassé toute la personne du jeune homme et ne l'eût pas quitté d'un moment. Il existe une seconde vue qui n'est pas reconnue par les graves professeurs de magie, une seconde vue que le vulgaire appelle l'amour. Mais au bout d'un moment, Edward commença à parler, et alors Miss Lawford reprit courage et alla même jusqu'à le questionner sur son excursion en Bretagne. Elle n'était dans le Devonshire que depuis quelques semaines, disait-elle. Ses pensées la ramenèrent vers le triste automne dans le Lincolnshire tandis qu'elle parlait, et elle se souvint de la néfaste journée d'octobre où son père était venu dans son boudoir à la grange, tenant en main la lettre d'adieu d'Edward. Elle se souvint de cela et de tous les commérages qui avaient été faits sur les coups de fouet reçus par Paul Marchmont sur le seuil de sa maison. Elle se souvint de toutes les chaudes discussions, des suppositions, des conjectures, des éloges, des blâmes et de la nécessité à laquelle elle s'était toujours vue réduite d'écouter et de se taire, sauf dans une soirée à jamais mémorable passée à la cure où Paul Marchmont avait donné à entendre quelque chose dont elle n'avait jamais osé comprendre tout à fait la signification, mais qui depuis lors s'était toujours, de manière ou d'autre, mêlé vaguement à ses rêveries. Y avait-il un fond de vérité quelconque dans les paroles que Paul Marchmont lui avait dites? Était-il vrai qu'Edward Arundel n'avait jamais réellement aimé sa jeune femme? Laetitia l'avait affirmé non pas une fois mais 20. Il est tout à fait ridicule de supposer qu'il ait jamais pu être amoureux de cette pauvre enfant maladive, s'était écrié Miss Arundel. C'était seulement le côté romanesque de la chose qui l'avait captivé, car Edward est réellement d'un romanesque ridicule, et le père de Mary ayant été un compas. C'est inutile de chercher à prononcer ce mot-là. Jamais personne n'a su dire combien de syllabes il renferme. Et ayant vécu dans Oakley Street, d'où il avait écrit une piteuse lettre à Edward sur cette jeune fille sans mère et toutes sortes de choses, exactement comme dans l'un de ces vieux romans ennuyeux, où on dépose des enfants à la porte des maisons, où les S ressemblent à des F, et le dernier mot de chaque page se trouve répété au sommet de la page suivante, sans compter que les caractères sont imprimés sur gros papier jaune à côte, vous savez. Ce fut là le motif pour lequel mon frère épousa Miss Marchmont. Vous pouvez y compter, Linda, et tout ce que j'espère, c'est qu'il aura assez de bon sens pour se remarier bientôt et faire une noce chrétienne avec des voitures, un déjeuner et deux prêtres. Et moi, je mettrai une toilette en soie blanche glacée avec des volants en tulle et un chapeau en tulle. Je suppose que je dois mettre un chapeau, n'étant que demoiselle d'honneur, tout couvert de fleurs de clématite, absolument comme si j'étais sous la plante elle-même quand le vent souffle. Vous savez, Linda. C'était avec des propos pareils que Miss Arundel avait fréquemment entretenu son amie, et elle s'était laissée aller à de nombreuses insinuations d'une nature embarrassante sur la convenance qu'il y avait à ce que d'anciennes amies et d'anciennes camarades de pension fussent plus unies encore en devenant belles-sœurs et autres observations du même genre. Mais Linda savait que si Edward venait jamais à l'aimer, toutes les fois qu'elle se hasardait à réfléchir sur une pareille chance, elle n'osait jamais pousser jusqu'au dénouement, mais elle y pensait comme à une chose possible dans un demi-siècle ou à peu près. S'il la choisissait pour sa seconde femme, elle serait reçue à bras ouverts à Dangerfield. Mrs. Arundel l'avait donné à comprendre. Belinda savait avec quelle anxiété cette mère aimante attendait que son fils se mariât, formât de nouveaux liens, et cessât de mener une vie inutile et de perdre ses plus belles années à se lamenter sur le sort de sa femme. Elle savait tout cela, et tandis qu'elle était assise en face du jeune homme à la lueur du foyer, elle éprouvait au cœur une douleur sourde, car il y avait quelque chose dans la sombre figure du soldat qui lui disait qu'il n'avait pas encore cessé de se lamenter sur ce passé irrévocable. Mais Mrs. Arundel et Laetitia entrèrent en ce moment et poussèrent des exclamations de joie. On fit des préparatifs pour le bien-être physique du voyageur, les sonnettes retentirent, on apporta des bougies et le service à thé, on mit la table, et des viandes froides ainsi que d'autres comestibles furent étalées avec cette profusion qui a fait l'hospitalité de l'Ouest aussi proverbiale que celle du Nord. Je crois que Miss Lawford serait restée assise en face du jeune homme pendant une semaine, sans songer à adresser cette question banale. Monsieur Arundel avait-il besoin de se rafraîchir? Elle avait lu dans le Panthéon de Horte que les dieux mangeaient et buvaient parfois comme de simples mortels, et pourtant il ne lui était pas venu à l'idée qu'Edward pût avoir faim. Mais elle eut alors la satisfaction de voir M. Arundel manger un très bon dîner, tandis qu'elle versait le thé elle-même pour obliger Laetitia, qui était au milieu du troisième volume d'un nouveau roman, et continuait à lire aussi tranquillement que s'il n'eût pas eu de par le monde de personnes comme celle de ce jeune et beau soldat. « Il faut que les livres soient renvoyés demain matin au cabinet de lecture, vous savez, chère maman. Sans cela, je ne lirai pas pendant le thé, » observa la jeune fille pour s'excuser. « Je veux savoir s'il épousera Théodora ou cette méchante Miss Saint-Ledger. » Linda pense qu'il épousera Miss Saint-Ledger, ce qui sera malheureux, et que Théodore mourra. Je crois que Linda aime les histoires d'amour qui finissent mal. Moi, non. J'espère que s'il épouse Miss Saint-Ledger, il agira comme un misérable si cela arrive après les aveux qu'il a fait à Théodora. J'espère que s'il l'épouse, elle mourra. D'une fluxion gagnée à déjeuner à Twickenham ou quelque chose de ce genre, vous savez. Et ensuite, il épousera Théodora et tout finira bien. Savez-vous, Linda, que je me figure toujours que vous ressemblez à Théodora et qu'Edward, c'est lui. Après cette tirade, Miss Arundel reprit son livre et Edward se servit un peu gauchement une tranche de langue sèche. Belinda Lawford, qui tenait en main la bouilloire, laissa la théière déborder parmi les tasses et les soucoupes.